J'ai envie de vivre avec toi. J'ai envie de rester avec toi toute la vie. De rester avec toi toute la vie, toute la vie, toute la vie. J'ai envie de chanter quand tu chantes. J'ai envie de pleurer quand tu pleures. J'ai envie de rire quand tu ris, quand tu ris, quand tu ris, quand tu ris. Mais en lisant ta lettre, je vois qu'il n'y a plus d'espoir. Je sais que tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'avais tout préparé, j'avais tout décidé, mais tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'ai envie de parler avec toi. J'ai envie de dire n'importe quoi. J'ai envie, pourvu que tu sois là. J'ai envie de vivre avec toi. J'ai envie que tu sois près de moi. J'ai envie que tu sois près de moi. Anh ước mong được sống vui bên em. Anh ước mong được có em luôn bên anh, luôn với anh. Được có em luôn bên anh, ta bên nhau trong mai sau, trong mai sau. Anh ước mong được hát lên khi em ca. Anh ước mong được khóc khi em âu sầu. Anh ước mong cười lớn lên khi em vui, khi em vui, khi em vui, khi em vui. Đọc lá thư em miên man, anh trông thấy quá rõ niềm tuyệt vọng. Vì gót chân em hôm nay không đi đến chỗ hẹn hò buổi chiều. Tim anh chất ngất nỗi nhớ, mong em với những đắm đuối. Mà gót chân em không quay về đường cũ hôm nào. Anh ước mong được nói lên câu yêu thương. Anh ước mong được nói lên câu đam mê. Anh ước mong gần gũi bên em luôn luôn. Anh ước mong được sống vui bên em. Anh ước mong được có em vui bên em. Anh ước mong được có em vui bên anh. Mais en lisant ta lettre, je vois qu'il n'y a plus d'espoir. Je sais que tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'avais tout préparé, j'avais tout décidé, mais tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'ai envie de parler avec toi, de dire n'importe quoi, de vivre avec toi. J'ai envie de chanter quand tu chantes. J'ai envie de pleurer quand tu pleures. J'ai envie de rire avec toi quand tu ris.